avec ce vent glacial qui pique et fouette ton visage crispé, marqué par ton faux passé, et qui te rappelle tout ce que tu regrettes, mais que le temps a depuis effacé. Et cette chaude caresse qui mine de rien évoque celle d'un doux soleil compatissant sur noiselle. Elle ravive tes dons de musicien en longeant ton cœur et tes doigts frémissants. Tant de bruit, tant de cris, parmi tout ce silence, ce qui bouffe, qui étouffe, c'est une évidence. Tant de rêves et de trêves, comme une récompense, même timide, ce qui guide, comme une évidence. Tant d'espoir, loin du noir, comme une récompense, même discret ou abstrait, c'est une évidence. Ces nuages imposants et menaçants qui impitoyable balaye un ciel craintif que s'échappe brutalement des éclairs éblouissants pour secouer tes matins au passif. Avec la mer et son chant mélancolique qu'on ne surprend ainsi qu'en séjour tranquille, tu te retournes vers ta période romantique aux années où tout te paraissait facile. Tant de bruit, tant de cris, parmi tout ce silence, peu qui bouffe, qui étouffe, c'est une évidence. Tant de rêves et de trêves, comme une récompense, même timide, ce qui guide, comme une évidence. D'espoir, loin du noir, comme une récompense, même discret ou abstrait, c'est une évidence. Si l'écho déclarant la destruction massive de toute vie et tout être sur cette planète déclenche chez tout homme une réaction primitive, il n'ébranle même plus ton âme de prophète. Car sur le visage de l'enfant découvrant le jour se dessine le premier sourire tendre et naïf qui dégage le sentiment qu'on nomme amour, te projetant ainsi dans